بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Donc on poursuit quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام et on continue quant à l'immigration du prophète عليه الصلاة والسلام en compagnie d'Abu Bakr رضي الله عنه وأرضاه, donc et leur guide. Et la semaine dernière on s'était arrêté avec l'histoire de Suraqa ibn Malik, donc comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى. Donc qui raconte qu'un homme a dit j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam avec d'autres hommes, avec d'autres personnes. Donc un homme est venu voir Suraqa ibn Malik radiyallahu anhu et il lui a dit qu'il avait vu le prophète alayhi salatu wassalam, alors que vous savez qu'il y avait une rançon de 200 chameaux pour qui les retrouver, vivants ou morts. Et ils ont dit à Suraqa, un homme est venu le voir, il lui a dit je les ai vus, donc je sais où ils sont, ils se sont dirigés vers tel endroit. Et Suraqa, en vue d'avoir la récompense, ici la rançon, donc il lui a dit que ce n'était pas possible, ou que c'était plutôt d'autres hommes qu'il avait vus, d'accord, que c'était d'autres hommes qu'il avait vus, ce n'était pas eux, que lui aussi il avait vu ces personnages-là, et ce n'était pas le prophète Ali salatu wassalam, ainsi que Abu Bakr radiallahu anhu arda, ainsi que leur guide. Donc il a dit ce n'est pas eux, simplement pour avoir la rançon. Donc Suraqa est parti pour les suivre, yani le prophète alayhi salatu wassalam ainsi qu'Abu Bakr. Et quand il était proche du prophète ainsi que de Abu Bakr radiyallahu anhu arda, yani ici comme il est raté par le Bukhari, son cheval a l'a fait tomber à plusieurs reprises Suraqa, donc il ne voulait plus avancer en direction du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que de Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Et on avait parlé des causes que l'insan, al-mu'min, le croyant, se devait, avant d'entreprendre n'importe quel projet, n'importe quelle affaire, il devait placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkul 'ala Allah azza wa jal, la confiance en Allah azza wa jal. Mais il devait prendre les causes, il devait utiliser des causes pour ici arriver à terme quant à son projet, par exemple s'il veut se marier, s'il veut voyager, s'il veut entreprendre quelconque affaire, il doit faire les causes. Ce n'est pas simplement je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je ferme les yeux et ça s'arrête là. Abadan. Le musulman, il met tout en place, il fait les causes qu'il faut et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand les causes ne lui sont plus possibles, il peut plus faire autre cause que ce qu'il a mis en place, ou ce qu'il a fait. Donc à ce moment-là, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend son secours. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aide. C'est Allah azza wa jal qui t'ouvre les portes. Car toi, alhamdoulillah, tu n'as plus les capacités de faire autre chose que ce que tu as fait. Quelquefois ça nous arrive. On a un problème, on a une difficulté. Pour résoudre ce problème-là, on place notre confiance en Allah azza wa jal. On fait toutes les causes qu'on peut faire. Ensuite, on peut plus rien rajouter. À ce moment-là, place ta confiance en Allah azza wa jal. Sois patient. Et sache que comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, innama al-usri yusra, innama al-usri yusra, c'est auprès de la difficulté il y a la facilité, certes auprès de la difficulté il y a la facilité. Et voilà qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de prendre les causes, d'utiliser les causes comme il se doit, selon la législation, selon le Coran et la Sunna, et placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ceci sont ou fait partie des signes qui montrent ta crainte, la crainte que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, concernant ceux qui le craignent, celui qui craint Allah azza wa jalla, Allah lui donnera des issues favorables et lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donnera ses issues favorables. Toi tu as fait les causes, tu as placé ta confiance en Allah azza wa jalla, c'est Allah azza wa jalla qui donne le secours, c'est Allah azza wa jalla qui donne les issues favorables et lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. Voilà que le prophète alayhi salatu wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, ont fait les causes comme il se doit. Ensuite, ils sont partis vers Médine, ils ont utilisé un autre chemin, ils se sont réfugiés dans la grotte, ce qu'on a mentionné la semaine dernière, et voilà que, bien qu'ils aient fait toutes ces causes-là, un homme qui s'appelle Suraqa ibn Malik arrive à les poursuivre et à les retrouver. Mais là, le secours d'Allah Azza wa Jal était là, et voilà qu'Allah Azza wa Jal les a empêchés, ou a empêché Suraqa ibn Malik de les approcher, et d'arriver jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam Abu Bakr. Et voilà qu'à plusieurs reprises son cheval le fait tomber, certains disent que son cheval s'est enlissé jusqu'au genou, dans le sable, d'autres disent qu'il trébuchait à chaque fois. À la kulli hal, on sait que le cheval le faisait tomber à plusieurs reprises, et de là Suraqa ibn Malik a dit, là je me rends compte que le secours est avec eux, que je ne pourrai rien contre eux, que personne ne pourra rien contre eux. Suraqa, à travers cet événement-là qu'il a vécu lui-même, donc il s'est dit, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Et il s'est rendu compte que quoi? Qu'il arrivera à accomplir ce qu'il voulait, que les associateurs, que les hypocrites, que les mécréants le veuillent ou le veuillent pas. Ensuite, Suraqa, Yani s'est approché du prophète alayhi salatu wasalam, il a poursuivi jusqu'au prophète alayhi salam, a reconnu Yani le rang qu'avait le prophète alayhi salatu wasalam, avait reconnu que le prophète alayhi salatu wasalam atteindra son but, et il a répété et rapporté tout ce qui était en train d'être préparé contre le prophète alayhi salatu wasalam. Tout ce qui se passait, il l'a répété au prophète alayhi salatu wasalam. Et voilà que le prophète alayhi salam avec Abu Bakr, ils ont pu continuer par la permission d'Allah Azza wa Jal, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur émigration al-Hijra ila Mecca, jusqu'à cette ville, yani afwan ila al-Madina, donc qui était appelée Yathrib. D'accord, qui était appelée Yathrib. Donc ils ont poursuivi leur parcours, et c'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. Et donc à ce moment-là, pendant leur chemin, donc ils se dirigeaient toujours vers al-Madina. Il faut savoir que, comme les savants ont dit, tout au long de la route, le prophète alayhi salatu wasalam avait avec lui une montagne. Il avait avec lui une montagne. À l'unanimité des savants, le meilleur des hommes, après les prophètes, et dont le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, et après les envoyés, c'est qui? Abu Bakr radiallahu anhu arda. Donc il n'avait pas n'importe qui avec lui. Donc tu choisis ton ami. Quand tu entreprends une affaire difficile, tu ne vas pas prendre n'importe quelle personne, bien qu'ils soient tous croyants, bien que tu aies le choix entre 10, 20, 30, 100, 1000 croyants. Si tu entreprends une affaire difficile, d'accord, tu choisis la personne adéquate. D'accord, tu choisis la personne adéquate. Si toi tu veux transmettre à da'wah, tu vas entreprendre yani une mission. Tu vas dans un pays, si tu as le niveau, si tu vas dans une ville, yani pour transmettre la religion, yani pour vouloir commencer à faire un travail, pour sortir les gens de l'ignorance, si par exemple les gens sont dans l'ignorance dans une ville ou autre, et tu as besoin de compagnons, tu vas pas en apprendre n'importe quel compagnon. Tu vas prendre l'élite, ou plutôt les élites, les meilleurs des compagnons. D'accord? Parce que plus l'affaire est difficile, et plus tu as besoin d'hommes forts, pas physiquement, mais forts de croyance, forts de confiance en Allah Azza wa Jal, forts de iman, forts de foi. Et voilà que le prophète alayhi salatu wasalam, pour entreprendre ce grand voyage qui a marqué l'histoire, comme on va le voir, ce grand voyage, il a choisi la meilleure des créatures après les envoyés et les prophètes. Et quand je parle des envoyés et des prophètes, bien sûr parmi eux le prophète Mohammed alayhi salam, Abu Bakr radiallahu anhu arda. Et Abu Bakr a été au service du prophète alayhi salatu wasalam. Abu Bakr a été au service tout au long de ce voyage du prophète alayhi salatu wasalam. Il a été à son service. Et c'est un honneur, comme disent les savants, d'être au service des gens les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un honneur. Et il est préférable pour toi d'être au service d'un savant, warathatul anbiya, comme a dit alayhi salatu wassalam, les héritiers des prophètes. Ce sont les savants, al-ulama, les savants contemporains, les gens de science. Il est préférable pour toi d'être au service d'un savant que d'un gouverneur qui délaisse l'application de la religion. D'accord? Bien que ça soit un homme de grande notoriété, bien que ça soit un homme très riche, bien que ça soit je ne sais qui, préférable, ou il est fortement préférable pour toi, d'être au service, yani, au savant, d'accord? Venir à son soutien, que au service d'un gouverneur, ou d'un ministre, ou d'un homme riche. Yani, à la kulli hal, une personne qui a des grandes richesses, qui a une grande notoriété, qui a de l'influence, yani, qui attire le respect, yani, il t'est préférable d'être ici au service du savant. D'accord? Comme Abu Bakr radiallahu anhu arda a été au service du plus grand des savants qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Car ce qui nous importe, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ceux qui me craignent vraiment parmi, ou le plus parmi mes serviteurs, ce sont qui? Les savants. Ce sont les savants. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dis, est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah Azza wa Jal, il élève de degré ceux qui ont cru et ceux à qui il a donné une science. Il élève de degré. Donc parmi tout l'ensemble des créatures, un savant a plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un milliardaire. Un savant a plus de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal qu'un milliardaire. Être au service d'un savant, et respecter un savant est préférable que respecter et être au service d'un milliardaire qui est loin de la religion, ou qui s'écarte de la religion, ou tout simplement qui est moins savant que ce savant-là. Donc à nous de respecter Ahlul Ilm. Les gens de science, c'est très important. D'accord ? Le prophète alayhi salatu wassalam poursuit la route et l'émigration jusqu'à Médine. Et dans cette route-là, il est rapporté par l'imam Al-Hakim, dans le Mustadrak, avec une chaîne de transmission bonne, comme l'ont dit les savants, il est rapporté qu'ils ont rencontré une femme pendant la route. Ils ont rencontré une femme. Et ici, c'était Ma'bad, de la tribu de Khuzama. Donc Ma'bad, qui s'est converti à l'islam après la rencontre, yani, comme on va le citer, avec le prophète alayhi salatu wassalam lors de cet événement. D'accord? Ma'bad était une femme réputée pour être assez forte, assez robuste, qui restant dans la cour de sa tante. Elle avait l'habitude de rester dans la cour de sa tante ou à l'extérieur de sa tante pour servir tous les voyageurs. Elle n'avait pas l'islam, mais elle était réputée pour, yani, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, qui était en voyage, elle était réputée pour être à leur service. Elle les servait. Nourriture, boisson, etc. Ma'bad, radiyallahu anha wa ardaha. Et ça, comme disent les savants, ça nous rappelle la générosité des Arabes. La générosité des Arabes. On peut dire ce qu'on veut. Les Arabes, on le sent chaud. On a beaucoup de défauts, malheureusement, hein. Tout en sachant qu'on ne dénigre pas les Arabes de façon générale. Yani, car le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, était un Arabe. Le Coran est descendu en langue arabe. Lakin, quand on voit la communauté des Arabes et des musulmans de façon générale, illa man rahim Allah, mais je dis des Arabes surtout au jour d'aujourd'hui, hadithu la harash. C'est attristant. D'accord? Mais on sait qu'il y a une qualité, alhamdulillah, qui est restée, yani, car on voit que les Arabes, sans l'islam, l'avaient déjà cette qualité. C'est quoi? La générosité, l'hospitalité. Ça a toujours existé. Et bien qu'on voit des défauts, et des centaines de défauts, chez les Arabes, chez les musulmans au jour d'aujourd'hui, qui ont délaissé beaucoup de principes religieux avec le plus grand des regrets, et parmi les plus grands principes religieux qu'ils ont délaissés au jour d'aujourd'hui, les musulmans, c'est quoi? L'éducation et la politesse. L'éducation et la politesse. Dans toutes choses, hein, de façon générale. L'éducation et la politesse. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas délaissée, alhamdoulilah, de façon générale, c'est quoi? C'est la générosité et l'hospitalité. Vous allez même chez des pauvres. Et même les non-musulmans le diront, quand ils se rendent dans des pays comme le Maroc, Algérie, Tunisie et autres, dans des pays arabes, ils disent que ce qui nous a le plus choqué, ou touché plutôt, c'est l'hospitalité des Arabes. Vous allez même dans une montagne, chez des pauvres, chez des personnes qui n'ont rien du tout, l'hospitalité est reconnue chez les Arabes, alhamdoulilah. Et on voit cette qualité qu'avaient les Arabes, comme dans ce récit de l'imam Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, avec une bonne chaîne de transmission concernant Ma'bad, qui était très généreuse. Bien qu'elle n'avait pas encore l'islam, les Arabes étaient très généreux. Et ici, si simplement ou seulement les Arabes pouvaient, yani, compléter, yani, ces nobles caractères pour redonner, yani, vie à cette religion au jour d'aujourd'hui qui, malheureusement, on ne va pas dire elle est morte, mais elle est endormie, yani, ça serait mashallah. Et comme je dis, un des plus grands principes religieux qu'a délaissé la communauté au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est la politesse. L'éducation et la politesse, dans toutes choses. D'accord? On parle souvent avec des frères concernant l'éducation, ou concernant le comportement plutôt, des Arabes. Je dis encore des Arabes, tout en sachant que tous les Arabes ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas Arabes, bien sûr. Lakin, des Arabes, et on parle toujours des mêmes récits. D'accord? Donc, regarde les Arabes quand ils partent en voyage au Maroc ou en Algérie ou je ne sais où encore. Regarde quand ils sont dans le bateau. Regarde quand ils sont dans les stations d'essence. Regarde quand ils font la queue dans une administration. Regarde. C'est la vérité. C'est une catastrophe. Et quand on voit l'état des non-musulmans dans les pays d'Europe, et on regarde maintenant, vice-versa, quand ils font un voyage, on va dans leur station d'essence, on regarde les rues, on regarde la propreté des rues, on parlait juste avec des frères tout à l'heure, juste du recyclage, l'importance qu'ils donnaient au recyclage, les cartons, les plastiques, etc., l'importance qu'ils donnent quant au gaspillage d'eau, l'importance qu'ils donnent, il y en a toutes ces choses-là qui font partie de l'islam et qui, nous, musulmans, on doit être encore plus strict quant à quoi? Quant à ces principes-là. Le fait de ne pas gaspiller, le fait d'être propre, le fait d'être organisé, le fait d'être éduqué. Pourquoi? Parce que pour nous, ça c'est une ibada. Ça c'est un acte d'adoration. Alors pour eux, ce n'est pas un acte d'adoration. Eux, c'est par principe qu'ils le font. Au nom de quoi? Au nom simplement de, on veut le bonheur pour nos enfants. On veut qu'ils vivent dans un bon environnement. C'est ces termes qu'on entend. Nous, on pense à nos enfants. On ne veut pas qu'ils vivent dans une société mauvaise. On veut pas. Nous, on fait ça pour la France. On fait ça pourquoi? Un Allemand va dire pour l'Allemagne. Ils sont fiers de leur patrie. Ils sont fiers de leur pays. Tant mieux pour eux. On n'est pas là en train de les dénigrer. Tant mieux pour eux. Mais nous, on est où? On est où par rapport à eux? Wallahi, c'est une catastrophe et c'est une honte. C'est une honte. Wallahi al-Adim, c'est une honte. Quand on voit, je parle pour moi le premier, hein, c'est une nasiha pour moi. Wallahi al-Adim, quand on voit que qu'il y a des gens qui, quand ils prennent le bateau, bon, on parle du Maroc, bon, je parle du Maroc, mais tous les pays arabes, de toute façon, c'est la même chose, hein. Quand on prend, par exemple, le bateau, même ceux qui ont reçu cette petite habitude, cette petite éducation, alhamdoulilah, ici, donc, bien que ça, c'est venu des non-musulmans, faut le dire, hein. Il y a le fait d'être organisé, de mettre sa ceinture de sécurité, de pas cramer un feu rouge, de pas brûler un feu rouge, de suivre la queue, de ne pas dépasser l'autre, etc. Mais dès qu'il descend du bateau, et qu'il rentre, par exemple, à Tanger ou à Septa ou je ne sais où, alors il tire la ceinture, on dirait qu'il souffre, comme un frère m'a dit tout à l'heure, on dirait il est libéré. Même lui, il suit. Et quand tu lui dis, ah, mais, reprends ton éducation comme tu l'as, oh, c'est bon, maintenant je fais comme les autres, maintenant on est au Maroc, hein, croyant. Comment vous voulez que ça avance? Et tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Bon, maintenant c'est bon, alhamdoulilah, on est au Maroc, hein. Les gens passent, hein, ceux qui partent à l'excès, voilà, Iyadou Billah, et qui disent, de toute façon, au pire, hein, je me fais contrôler, je donne 10 euros, 10, 10, ou 20 dirhams, ou 30 dirhams, ou je ne sais quoi, voilà, Iyadou Billah. Alors que ces personnes-là sont maudites, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wasalam, ceux qui donnent al-rashwa, al-rashi ou al-murtashi, voilà, Iyadou Billah. Et on voit, il n'y a pas d'éducation. Pourquoi il n'y a pas cette éducation-là? Pourquoi? Parce que, on va dire ils ont délaissé le Coran et la Sunna, mais plus précisément, plus loin, c'est l'éducation, ça c'est clair. Mais comment ça se fait l'éducation? Moi je vais dire je suis éduqué. Il est éduqué ici en France, mais quand il est au Maroc, il n'est pas éduqué. La sincérité. Elle est où la sincérité? Est-ce qu'on fait ou on est éduqué quand on est en France parce que l'islam nous le demande pour satisfaire Allah ou simplement pour satisfaire les gens ou pour faire comme les gens? C'est une qadiyatul ikhlas. Ça c'est là, c'est une question de quoi? De sincérité. Ça c'est une question, si tu étais sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu savais que, on a dit que l'ibada c'était quoi? Un terme général. Un terme général. Ismun jami'a. Un terme général. Qui? Un terme général qui signifie quoi? Qui représente quoi? Tout ce qui est aimé et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme parole, tout ce qui concerne les paroles et gestes, apparents ou cachés, tout ça. Est-ce que tu crois que toutes les normes qu'ils ont en général de sécurité, de façon générale, les non-musulmans que tu suis et que tu délaisses quand tu vas au Maroc, c'est aimé par Allah Azza wa Jal ou pas? Ne pas brûler un feu. Est-ce que ça c'est pour la sécurité de l'être humain, de l'insan, qu'il soit musulman ou pas? Bien sûr. Toutes ces choses-là, c'est des choses demandées. Faire la queue, ne pas doubler. Yannick, que ça soit un musulman ou un non-musulman, est-ce que c'est demandé ça en islam ou pas? Bien sûr. Ça fait partie de l'ibadah. Si toi tu le fais parce que quoi? Tu veux satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se sera mis ça dans la tête que nous on le fait par ibadah. Par ibadah. Donc tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu es sincère. Wallahi, que même si tu es je ne sais où, tu garderas ces principes-là. Parce que tu es sincère. Comme un cheikh, il disait, mashallah, dans un prêche, il disait, wallahi, regardez la preuve qu'on n'est pas sincère, nous, les Arabes, de façon générale, hein. Yani, on va dire, hein, on va pas dire tous les Arabes, c'est tout, je vais pas dire de façon générale. Mais beaucoup d'Arabes, c'est quoi? Il dit, regardez juste, et ça, quand j'ai vu quand il disait ça de son pays à lui, hein, qui n'est ni Maroc, ni Algérie, ni Tunisie, je me suis dit, bon, ça, c'est pareil dans tous les pays arabes, ça, c'est clair. Il dit, regardez quand, par exemple, on annonce qu'il y a un ministre, ou bien un président qui va passer dans tel endroit. Qu'est-ce qui se passe? Ou un roi, bon on va un roi, khlas, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde connaît la réponse, c'est quoi? Tout le monde connaît la réponse, mashallah. Comment ça se fait? Tu vas dire ça à un non-musulman, il va dire, mais c'est comment ça? Il va être choqué si vous entendez tous répondre. Il va dire, comment, c'est quoi ces habitudes? Il faut qu'il y ait un roi qui passe pour qu'on nettoie. Subhanallah. Et il dit, dès que le roi passe ou le ministre n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Al-harb. C'est la guerre. Alors tu vois tout le monde dans le chariot, celui-là qui grille le feu, celui-là qui passe là, tu vois le hamar dans l'autoroute qui est en train de marcher. Oh là, on a tout vu. C'est la vérité. Tu vois même des ânes qui marchent dans l'autoroute. Ça existe. On l'a vu de nos yeux. Des ânes dans l'autoroute. C'est une catastrophe. Pourquoi? Il dit ça, c'est quoi? Ça prouve là le manque de sincérité. Si on était sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, on faisait les choses parce que Allah azza wa jalla dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, an-nadhafa min al-iman. La propreté fait partie de la foi, etc. On appliquait, yani, ces principes religieux, on serait sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, on prouve qu'on peut nettoyer nos rues, on prouve qu'on peut embellir nos rues, on le ferait tout le temps. Donc là on veut satisfaire les gens, mais on veut pas satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple encore. Allez, on va délaisser un peu la mosquée, etc. On parle de la mosquée. Et on sait qu'il y a je ne sais qui va venir à la mosquée. Le président d'un pays, musulman ou non musulman, musulman ou non musulman. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore nettoyer encore mieux la mosquée? Et là, est-ce qu'on va pas regarder tous les... Il va rentrer dans la mosquée, il va visiter tous les coins, il va visiter même, azzakumullah, les toilettes. Qu'est-ce qu'on va faire? Même une mosquée, Beytullah, pour dire et vous prouver que c'est quoi? C'est une question de sincérité envers Allah. Je vois quelqu'un même dire, mais ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir vraiment, ou ça fait partie vraiment de la religion. Allez, tu dis, ça ne fait pas partie de la religion, rentrons dans la mosquée. Qui va nous dire la mosquée, ça ne fait pas partie de la religion? Ah, ça c'est clair. Allez dans la mosquée. Pour vous montrer qu'on n'est pas vraiment sincère. Illa man rahim Allah. Qu'on manque de sincérité. Wallahi, même les responsables qui nettoient les mosquées. D'accord? On est tous un peu responsables, hein. On est tous un peu responsables. Mais il y a bien sûr des responsables à la tête. D'accord? Qui rendront plus des comptes que les autres. Ça c'est clair. Chacun assume sa responsabilité. Comme le prophète Aïssa m'a dit dans le hadith rapporté par Muslim, toute personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné une responsabilité. D'accord? Une autorité. Et qui trahit ceux qui sont sous son autorité, le paradis lui sera interdit. D'accord. Laquelle on est tous un peu responsables. On est tous un peu responsables de da'wa. Ce n'est pas que l'imam qui est responsable. Tous on est responsables de da'wa. On est tous responsables de l'avancée de da'wa. On est tous responsables de l'entretien d'une mosquée. On est tous responsables. On est tous responsables et on rendra des comptes sur cette responsabilité. Allah Azza wa Jalla, il t'a donné quoi? Cette responsabilité, cet honneur. Tu es musulman, tu es croyant. Qu'est-ce que tu as fait de cet islam? Qu'est-ce que tu as fait de ta religion? Qu'est-ce que tu as fait de cette science? C'est clair. Laquelle on va dire? Les principales responsables dans les mosquées. Si demain ils entendent qu'il y a un président ou un, je ne sais qui, un ministre ou une tête, d'accord, politique ou je ne sais qui encore, qui rentre dans la mosquée, d'accord, comment il va réagir? Wallahi, je pense, et par expérience, je pense qu'il va y aller nettoyer, mais je ne dis pas 100 fois mieux la mosquée, il va faire vraiment attention. Alors que la mosquée c'est Baytullah, c'est la maison d'Allah, c'est pas la maison du ministre ou je ne sais qui. Ça on est vraiment, on parle vraiment de quoi? De yani le point sens où on va dire vraiment un endroit qui représente vraiment et qui montre vraiment l'islam, la religion, les musulmans, qui te fait rappeler Allah et son messager. Une mosquée claire. Et comment ça se fait que chaque jour toi tu délaisses l'entretien des toilettes, azzakumullah, et c'est une catastrophe. Wallah il adim, je m'arrête ici pour parce que il faut s'arrêter sur ce point-là, et je le répéterai, moi, tant que j'ai l'occasion de transmettre la religion vers tout le monde, je répéterai ces sujets-là. Ça, c'est clair. Parce que c'est une des plus grandes maladies qui a touché la communauté dans le monde entier. C'est quoi? Le manque d'éducation. Wallahi al-Azim, c'est une honte. Tu rentres dans des toilettes où on fait les ablutions. Les ablutions, c'est une ibada ou pas? Le prophète, il nous a appris comment faire les ablutions, comment on fait al-istinja, comment on lave ses parties, comment on fait la douche, comment, azzakumullah, on va aux toilettes. An-nadhafa min al-iman. La propreté fait partie de l'iman. Tu vas dans une station d'essence, chez des gens qui ne croient ni en Allah ni en son messager, qui ont aucun principe religieux quelquefois, qui ne font pas ça par adoration. Tu t'arrêtes dans n'importe quelle station d'essence, tu rentres, ça sent bon, mashallah, carrelage, propre, tu rentres deux dans les toilettes, c'est propre, papier et tout, vraiment propre, sauf dans des certains cas. Tu rentres dans des toilettes de mosquée, t'as envie de sortir, t'as envie de vomir, azzakumullah quelquefois. Wallahi al-adim, combien de mosquées on a vu en France? Combien de mosquées, moi personnellement, j'ai vu, la seule hâte que tu as quand tu fais tes ablutions, c'est vraiment de faire vite et de sortir. Alors les odeurs, je vous en passe, il n'y a aucune hygiène, c'est sale, ça sent mauvais. C'est quoi cette religion, subhanallah al-adim, qui est appliquée au jour d'aujourd'hui? C'est l'état de la communauté, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est Baytullah, c'est la salle d'ablution. Imagine-toi un non-musulman vient un jour et, bon voilà, ça arrivait, hein. Donc, il y a quelques jours, on a vu, hein, peut-être pour ceux qui ont vu à la télé, à la kulli hal, il y a des journalistes qui rentrent dans une mosquée ou alors qui rentrent dans une salle d'ablution et qui regardent et bon, c'est là où vous faites les ablutions. Subhanallah, pour ceux qui ont vu à la kulli hal, tu ouvres la porte des toilettes, tu vois une catastrophe. C'est quoi, ils vont dire, c'est ça les musulmans? C'est une honte. Wallahi al-adim que ça commence là. Alors, où sont ceux qui sont dans un délire? Subhanallah, ils sont dans un délire. Pour moi, ils sont dans un délire. Hein. Qui pleurent chaque jour et qui disent, je ne dis pas ceux qui veulent, ceux qui espèrent, avec sincérité, ceux qui disent et qui pleurent et qui disent, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pas le secours? Pourquoi nos frères palestiniens sont humiliés comme ça, Al-Quds? Ya ibadallah, tu auras Al-Quds toi aujourd'hui. Demain, on a Al-Quds. Demain, on a avec notre état là. On a Al-Quds demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Wallahi al-adim, Allahu alam, je pense que ça sera encore une plus grande et grosse fitna que ce qui arrive au jour d'aujourd'hui. Une plus grande fitna. Parce qu'il n'y a pas plus grande fitna que quoi? Des musulmans qui s'entretuent. Il n'y a pas plus grande. Dans notre état, nous, ou dans l'état dans lequel on est. Wallahi al-adim, hein, à coup sûr. Demain on a le Quds, je dis pas, il y a le mustaqbal, et nous, on sait très bien que le mustaqbal, li hadha ad-din, l'avenir est à cette religion, alhamdulillah, il y a un grand bien dans cette religion, et le Quds, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala, il sera à l'islam, aux musulmans, lakin je parle au jour d'aujourd'hui. Demain on a le Quds, qu'est-ce qu'on va se faire? Les musulmans, ils vont s'entretuer, je vous le dis tout de suite, hein. Illa man rahim Allah. On voit déjà des histoires qu'on entend là-bas. Yani, c'est pas pour critiquer. Abadan, hasha wa kala. Non, c'est nos frères. On fait du'a pour eux, ça c'est clair. Alhamdulillah. Lakin, on voit très bien qu'on n'arrive même pas à s'entendre dans une seule mosquée. Dans une seule mosquée, on s'entend pas. Quand on entend les problèmes qu'il y a dans les mosquées, Allahu musta'an. Il y en a qui se battent. C'est pas des faits, irréels. Et c'est des faits concrets, des gens qui se battent, des gens qui volent de l'argent, des gens qui pleurent pour des responsabilités, alors que tu vois son application religieuse, il est loin, miskin, de la religion. Peut-être il sait même pas faire l'ourdo. Il a aucune chance, il veut être président d'une association musulmane. Je crois qu'on t'a dit d'être président d'une entreprise qui vend des fraises. Président d'une association musulmane, tu sais c'est quoi la responsabilité? Secrétaire d'une association musulmane. Trésorier, l'argent. Trésorier d'une association musulmane. Tu crois qu'au jour de la résurrection, il y a que deux ou trois personnes qui vont venir te voir? Il y a des centaines de personnes qui vont venir te voir, qui ont donné de l'argent dans cette mosquée. Ils vont demander leur haq. Si tu as mangé cet argent injustement, tu devras rendre des comptes jusqu'au dernier centime. Donc tu vas être quoi? Tu as une autorité. Et ceux qui sont sous cette autorité, ce sont toutes les personnes, si tu es trésorier, qui ont donné l'argent. Responsable d'une association musulmane, ce n'est pas rien. Les gens se battent pour les responsabilités en oubliant quoi? Leur propre état. Et voilà pourquoi on répète, et on répète, et on répète, et je répéterai encore le verset coranique qui résume l'état de la communauté aujourd'hui, et qui nous rappelle qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'Allah Azzawajal nous redonne la force, yani, et la fierté qu'avaient les musulmans avant. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda a dit, traduction approximative, hein, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne change pas son propre état. Et comme Omar ibn al-Khattab a dit, kunna adilla fa a'azzana Allah bi الإسلام ولو ابتغينا أو ولو ابتغينا الإسلام أو العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. Nous étions humiliés. Allah Azza wa Jal nous a redonné la force, la fierté. Avec l'islam. Avec quoi? Avec l'islam. Et si on cherche cette fierté, cette force, cet honneur dans une chose autre que l'islam, Allah Azza wa Jal va nous humilier et va nous rabaisser. C'est ce qui se passe. Donc à nous de revenir à l'islam. Et je répète encore, celui qui se dit je veux revenir à l'islam, parmi les principales, il y a une éducation qui font partie de l'éducation islamique que les musulmans ont délaissée, c'est l'adab, la politesse. Et c'est quoi l'éducation? At-tarbiya, ça commence avec nos enfants. Ça commence avec quoi? Avec nos enfants. Ça commence dans la mosquée. Quand tu vois qu'il y a un cintre qui est fait pour accrocher un qamis, accroche ton qamis. Quand tu vois qu'il y a un cintre qui est fait pour accrocher une veste, accroche ta veste. Quand tu vois qu'il y a des étagères qui sont mis en place pour mettre des chaussures, mets tes chaussures dans les étagères. Ça commence comme ça l'éducation. Les gens ils vont rigoler, on dit, mais ça commence comme ça. Parce que si toi tu négliges ça, et ben automatiquement tu vas éduquer un enfant qui va voir ton comportement et qui va négliger ça. Et ça va se répercuter dans la vie de tous les jours. Et ça va se répercuter quand il conduit. Ça va se répercuter quand il fait la queue. Ça va se répercuter quand il demande un papier administratif. Ça va se répercuter dans toutes choses. Ça commence dans des avec des détails comme ça. Quand tu éduques ton enfant, apprends-lui l'éducation. Apprends-lui à pas jeter des choses par la fenêtre de la voiture. Il y a une poubelle, va la mettre dans la poubelle, cette chose-là. Va mettre cette chose-là dans la poubelle. Quand tu vois qu'il y a des choses qui sont, qui peuvent gêner les passants dans la rue, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Il a dit quoi, le prophète alayhi salatu wassalam? Parmi les branches de l'iman, c'est quoi? D'enlever quelque chose qui gêne sur la route. Ça, c'est quoi? C'est le fait juste d'enlever quelque chose qui gêne sur la route. Regardez, ça c'est une ibada, c'est la preuve que c'est des actes d'adoration. Nous, c'est une ibada et on délaisse ça. Nous maintenant, avec le plus grand des regrets, quelquefois on voit c'est les musulmans ou des jeunes musulmans qui manquent d'éducation qui mettent ces choses-là pour déranger les gens dans la rue. Alors que nous, le prophète alayhi salatu wasalam, il y a 14 siècles, il nous a dit et commandé, recommandé, rappelé que c'est une ibada, un acte d'adoration, le fait d'enlever quelque chose qui nuit à autrui dans la route. Tu passes, tu vois quelque chose, une poubelle renversée, tu le tires, tu as l'ajal. Et ça fait partie des branches de l'iman. Ça fait partie que quoi? Tu as quand même un petit degré de iman, de foi, alhamdulillah. Amano, elle est où cette éducation-là? Elle est où, ils sont où ces habitudes-là? Dans nos pays, et ici aussi, comment on réagit ici, dans les pays comme la France, l'Allemagne, l'Hollande, etc., en Europe. Et ça, c'est une catastrophe, et fallait mettre le point sur ça, et ça, c'est une chose qu'on a tous besoin. On revient, l'éducation, Yani on a parlé de l'éducation, pourquoi? Parce que on a parlé et on a cité Umm Abad, qui était une femme très généreuse, et les Arabes étaient très hospitaliers et très généreux avant la venue de l'islam. Et ensuite, à ce moment-là, yani le prophète alayhi salatu wassalam, donc, alors qu'elle, elle nourrissait des passants, etc., elle avait l'habitude de nourrir des passants et de les abreuver, le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr l'interrogèrent, y a-t-il quelque chose chez toi? Elle répondit par Allah, si elle avait quelque chose chez moi, les villages ne seraient pas plus pauvres. En fait, c'était une année de pénurie. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, regarda la fente et vit une brebis et dit, et cette brebis, Umm Abad. Donc elle n'avait qu'une brebis. Et il dit, cette brebis, elle répondit, c'est une brebis incapable de suivre les moutons, tellement qu'elle est maigre. D'accord? Tellement qu'elle est faible. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, reprit, a-t-elle du lait? Elle répondit, elle est trop épuisée pour en avoir. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, me permets-tu de la traire? Al-adab. La politesse, l'éducation. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je suis prophète, là elle va avoir un miracle, donc recule, pousse-toi, laisse-moi faire. Est-ce que tu me permets que je l'approche cette bête-là? Regardez l'adab. Avant de toucher quoi que ce soit qui ne t'appartient pas, demande l'autorisation. Voilà le comportement. Il y a des gens qui vont lire des hadiths, et vont lire la biographie du prophète alayhi salam. Mais la biographie du prophète alayhi salam, ça s'étudie. Et on prend les morales. C'est pas simplement pour la lire. Tout le monde va la lire. Prends un livre sur la biographie du prophète, alayhi salam, arabe, français, etc., bon, avec des références authentiques, et lis-la chez toi. Ce n'est pas pareil, il faut l'étudier, il faut prendre les morales. Regarde simplement un hadith. Là, on pourrait s'arrêter et faire des conférences sur ce passage-là. Juste le fait de demander la permission de toucher une chose qui ne t'appartient pas. Est-ce que vraiment on a ce comportement-là? Le prophète, alayhi salam, nous éduque. On sait que quoi? La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi? C'est ça, son comportement. C'est ses faits, c'est ses gestes. Ça fait partie de la sunna. Ça fait partie de la sunna de quoi? De demander l'autorisation avant de toucher quelque chose. Alors maintenant, il y a des gens qui se permettent de je ne sais quoi. Alors dès qu'ils voient un papier, ils voient un document, ils voient une chemise, même fermée. Hop, subhanallah, ils ne demandent même pas ça à qui. Ils ouvrent, ils regardent, ils voient un porte-monnaie par terre, regardent, pièce d'identité. Imagine c'est une femme, imagine c'est une sœur. Imagine, l'autorisation, ça c'est l'adab, c'est des détails. Mais wallahi al-azim, qui nous paraissent être des détails. Mais ce n'est pas des détails, c'est énorme. Et c'est par ces causes-là qu'on éduque la communauté. Tu vois n'importe quelle chose qui ne t'appartient pas, fais les causes. Sauf si tu n'as pas le choix, bien sûr, pour retrouver la personne, bien sûr. Mais si tu sais que tu peux savoir à qui ça appartient, si tu en as besoin, est-ce que je peux m'en servir? À m'apprendre la chose et t'en servir sans demander l'autorisation, hada min su'il adab. Ça fait partie du mauvais comportement, de la mauvaise politesse. Le prophète lui a demandé l'autorisation et elle lui répondit, oui, ma foi, vas-y, tu peux en tirer du lait. Ou plutôt, afwan, si tu peux en tirer du lait. Et le prophète alayhi salatu wassalam passa sa main sur les mamelles de la brebis, prononça le nom d'Allah, il dit bismillah et pria. Alors le lait s'échappa et coula. Il demanda à la femme d'apporter un récipient pour recueillir le lait. Et une fois apporté ce récipient, le prophète alayhi salatu wassalam s'engagea à la traire. Au point de voir le récipient surmonter d'écume, il désaltéra Umm Abad, qui alors but à son aise, suivi en cela par les compagnons et le prophète alayhi salatu wassalam, tous ont bu. Alhamdulillah, comme il voulait, et il s'engagea à la traire une seconde fois au point de remplir le récipient qu'il laissa alors à elle avant de se remettre en route. Le mari d'Umm Abad est venu après, par la suite, d'accord, après cet événement-là. Et le mari d'Umm Abad, comme il relatait toujours dans le hadith rapporté par Al-Hakim, le mari d'Umm Abad, radiyallahu anhu wa ardaha, ne tarda pas à rentrer poussant devant lui des chèvres qui n'avaient plus que la peau sur les os. Lorsqu'il vit le lait, il s'étonna et dit d'où vient ceci, ma foi, et elle lui a rapporter l'histoire. Et elle lui a décrit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sa description physique et sa description morale. Et bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. Peut-être, soit le prochain cours ou l'autre cours, on laissera un cours spécifique quant à la description du prophète alayhi salatu wassalam dans les détails avec les récits prophétiques authentiques, physique et morale. Vous savez très bien que le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne qui me voit en rêve, il m'a réellement vu. Car Shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Clair? Mais si tu as vu le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est décrit dans la sunna authentique. Si quelqu'un va nous dire, oui j'ai vu une personne, qui était noire, et qui avait les cheveux rasés, et qui était très fin et très petit, et il m'a dit, je suis le prophète. On va lui dire, ce n'était pas le prophète. Si vraiment tu vois le prophète dans ton rêve, et que comment tu le décris, c'est la description qui est apportée par la sunna, sache que tu as vraiment vu le prophète alayhi salatu wassalam. C'est vraiment le prophète que tu as vu. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et parler d'une voiture toute la journée. Tu vas dormir, tu vas rêver de cette voiture. Parle d'une maison toute la journée. Tu vas dormir, tu vas rêver de cette maison. Parle d'une histoire toute la... Tu vas dormir, tu vas rêver de cette histoire. Toute la journée, les musulmans dans le monde entier parlent du prophète alayhi salatu wassalam. Qui rêve du prophète alayhi salatu wassalam? La preuve, c'est pas donné à tout le monde. Et la preuve, c'est une réalité. C'est pas donné à tout le monde et celui qui rêve du prophète l'a vraiment vu. Ensuite, elle lui a décrit le prophète alayhi salatu wassalam et on verra inshallah ta'ala dans un prochain cours la description physique et morale du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, Abu Ma'bad a dit par Allah, celui-là, c'est l'homme des Quraïchites, celui auquel, ou au regard duquel ils disent ce qu'ils disent. J'ai déjà songé à l'accompagner, mais sans aucun doute, je le ferai à la première occasion du côté de la Mecque, une voix retenue, ou retentie. Donc ici, Abu Ma'bad a su que c'était les personnes qui étaient, ou plutôt les personnes qui étaient recherchées Na'am, par les gens de la Mecque. Et ensuite, à ce moment-là, comme Asma, radiyallahu anha wa ardaha, dit, elle dit qu'une voix retentit à la Mecque. Et cette voix, c'était la voix d'un djinn. Et cette voix-là, qu'est-ce qu'elle disait? Les gens de la Mecque ont écouté cette voix-là. Regardez, subhanallah. Et d'après ce fait-là, ils ont su que le prophète, alayhi salatu wassalam, se dirigeait vers Médine. C'était un djinn. Ils ont entendu la voix se, yani, retentir à la Mecque. Et voilà ce que disait cette voix-là. Qu'Allah, le Seigneur, avec une traduction approximative, hein, qu'Allah, le Seigneur du trône, rétribue en bien. Deux compagnons descendus chez Ma'bad et qui furent bienfaisants à leur arrivée comme à leur départ. Heureux qui passa la soirée en compagnie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Oh combien les Qusayyites tirent profit de ce dont Allah vous détourne. Leur œuvre et leur bienfaisance sont sans prix. Banu Ka'b n'ont plus à s'en faire. Assurez leur rôle dans l'ordre des croyants. Interrogez donc votre sœur au sujet de la brebis. Si vous le faites, c'est la brebis même qui témoignera. Ils entendaient ça, cette voix-là, retentir à la Mecque. Et Asma disait, c'était la voix d'un djinn, et ils ont su que le prophète, ainsi qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, wa arda, wa alayhi salatu wassalam, binisba Muhammad, alayhi salatu wassalam, se dirigeaient vers Médine. Et il est rapporté qu'en cours, yani, ils étaient toujours en train de se diriger vers Médine, donc après cet événement-là, et il est rapporté que, alors qu'ils étaient proches, yani, de Médine, Yathrib, appelé avant Yathrib, ils rencontrèrent Az-Zubayr, radiyallahu anhu arda, yani, ibn al-Awwam, en compagnie de commerçants qui étaient en provenance de Syrie. Et Zubayr, radiyallahu anhu arda, il a vu le prophète, alayhi sallam, accompagné, et il leur a donné quoi? Alors qu'il était accompagné de commerçants venant de Syrie, il leur a donné des vêtements blancs. Il leur a donné des vêtements blancs pour qu'ils puissent se changer. Et de là, on sait et on rappelle aussi plutôt que le prophète alayhi sallam aimait le qamis blanc. Le prophète il aimait le qamis blanc. D'accord? Les savants ont divergé quant à la tenue vestimentaire du qamis. Certains ont dit que c'était obligatoire d'avoir une tenue représentant ou qui représentait l'habit islamique. Ça, ce n'est pas la parole de la majorité des savants. La majorité des savants disent que tu peux t'habiller avec n'importe quel habit à partir du moment où ce n'est pas un habit typique des non-musulmans et que l'habit était fadfad, donc large, un minimum au moins, yani pour pas yani mettre genre des t-shirts, je dis le terme, vous avez compris, donc un peu serré à la peau, etc., et à partir du moment où, yani, bon, je le dis aussi, que l'habit monte au-dessus des chevilles. Quand tu aurais rempli ces conditions-là, parce que vous savez, le prophète Hassan, il dit dans beaucoup de hadiths authentiques, yani, ma asfala min al-ka'bayn, fafi nar. D'accord? Yani, certains savants ont dit que c'est la personne qui est en enfer, d'autres personnes, yani, il y a eu beaucoup de paroles concernant ce hadith-là. À la kulihal, on sait que c'est interdit, islamiquement, de laisser tomber les habits en dessous des chevilles. D'accord, on n'a pas le temps de déclarer, puisqu'il y en a qui utilisent le hadith de Abu Huraira, comme quoi le prophète Hassan lui a dit, toi tu fais pas partie des orgueilleux, parce que toi tu remontes, parce qu'Abu Huraira dit, ah Rasulallah, mon vêtement n'arrête pas de descendre en dessous des chevilles, et je le remonte, mais il redescend, et dit, toi tu fais pas partie de ceux-là que j'ai décrit, en disant que Allah Azza wa Jal ne les regardera pas au jour de la résurrection, yani, il ne leur adresse pas la parole, etc. Yani, on n'a pas le temps de détailler, qawlu rajih min ahli al-ilm, comme ont dit les savants. Ils disent que quoi? Tout vêtement qui descend en dessous des chevilles est en enfer. D'accord? C'est interdit. À la kulli hal, si tu respectes ces conditions-là, habille-toi comme tu veux, il n'y a pas de mal. Hada qawlu yani al-jumhur. C'est la parole de la majorité des savants. D'accord? Mais il faut savoir que le prophète aimait le qamis blanc. Il aimait le qamis blanc. Et c'est bien, surtout dans des événements, khutbatul jumu'ah, quand tu fais ta prière, quand tu as l'aïd, d'avoir un chiffon. C'est un chiffon ou un kamis? Un kamis. D'accord? Donc, comme on dit les savants par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Les savants, ils ont expliqué certains mufassirs en disant que c'était quoi? Prenez votre parure à chaque prière. Une belle parure. Pourquoi se présenter devant qui? Le créateur des cieux et de la terre. Quand tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Allahu Akbar, tu es devant qui? Tu es devant un ministre? Tu es devant un roi? Tu es devant un patron? Tu es devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la moindre des choses, c'est que tu aies un habit pas serré. Azzakumullah, encore ce vendredi-là, ou le vendredi dernier, je ne me rappelle plus, à la Koulihal, il y a un frère, Hafidhahullah, il est venu me voir, c'est une personne assez âgée, il est venu me voir, il m'a fait la remarque. Il m'a dit, Barakallahu fiki akhi, j'ai été touché un peu, parce que d'habitude, c'est les jeunes qui disent. Il m'a dit, Wallah, il y a des gens, ils abusent. Il m'a dit, des jeunes, il y a Akhil Karim, ils prient, ils se prosternent. Akhoya, on voit tout leur aura. Ils ont des jeans serrés, ils se prosternent, et on voit tout. Il me dit, Subhanallah, il faut leur faire la remarque. C'est des jeunes la plupart. En général, les personnes âgées, même s'ils prennent avec des pantalons et autres, c'est des pantalons assez larges. Ah mais les jeunes, c'est des jeans serrés. Ils se jettent, toi tu es derrière. Azzakumullah, je vous passe le film. Vous savez ce qu'on voit. Donc il n'y a pas honte de le dire parce que les gens n'ont pas honte de le faire. La moindre des choses, quand tu pries, tu mets quelque chose de large et akhi. Tu te prosternes, c'est obligé qu'on voit toutes tes formes. Et on sait très bien que l'aura, qawlur rajih min ahli al-ilm, ce n'est pas simplement la couleur, c'est la couleur et la forme. La couleur et la forme. D'accord? Certains pensent que c'est que la couleur. Donc si on dit que la couleur, tu peux mettre un jean très serré, la femme elle peut mettre un jean serré et noir et jusque là et c'est bon. La kin c'est la couleur et la forme, c'est pour ça qu'on doit avoir des vêtements assez serrés. Je ne dis pas pour l'homme que ça soit aussi large qu'un jilbab. La kin ala kulli hal, au moins que ça trace pas les formes, que ça serre pas à la, que ce vêtement ne colle pas à la peau. Yani un homme c'est un homme, une femme c'est une femme et alhamdoulillah, la prière c'est un moment où on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala, minimum de pudeur. Envers Allah et envers tes frères qui sont derrière toi ou devant toi ou à tes côtés. Donc, essaie de mettre un qamis. C'est fortement recommandé, hein. Ça, c'est, inshallah, ta'ala, c'est la moindre des choses. Mais le mieux et le plus complet, pas n'importe quel qamis. Prenez le plus beau des qamis que vous avez pour la prière. D'accord? Ça, bi idnillah et tabaraka wa ta'ala, c'est une cause qui va rajouter de l'humilité dans ta prière al-khushu'. L'humilité. Parce que quand tu t'habilles bien, en général, c'est pour un événement. C'est pour une occasion. Et tu aimes bien pour cette occasion-là être bien, être propre, avoir du parfum, sentir bon, hein, sentir bon de la bouche. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam réagissait, mais pour la prière. Il utilisait le siwak avant la prière, il mettait du parfum, le prophète alayhi salam aimait le parfum, jusqu'à ce qu'il a dit ne refusez pas le parfum, le musc. Il s'habillait toujours avec des qamis, il aimait le qamis blanc, d'accord? Et bien sûr, a fortiori, bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam, si des musulmans au jour d'aujourd'hui s'habillaient avec de beaux habits pour la prière, le prophète alayhi salatu wassalam automatiquement s'habillait avec les meilleurs des habits qu'il avait pour la prière. Il faut avoir de beaux vêtements pour la prière, tu te sentiras mieux et tu donnes de l'importance à cette prière-là, tu sens que cette prière n'est pas bâclée et tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu attends avec enthousiasme cet événement qui est as-salat. As-salat, la prière, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit comme ça, dans Sahih Muslim, le moment où vous êtes يعني le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quand? Fis sujoud, quand tu es prosterné. Akthiru min ad-du'a, augmenter les invocations, c'est le moment où tu es le plus près d'Allah azza wa jalla. La moindre des choses c'est que tu as un beau vêtement. Donc on voit qu'ici Az-Zubayr a donné des vêtements blancs à qui? يعني au prophète alayhi salam et ceux qui l'accompagnaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est approché ici de Médine et il était entre guillemets proche de la périphérique de Médine, proche de Médine, et il y a un endroit qui s'appelle Quba. L'endroit qui s'appelle Quba. Ça, c'est à la périphérique de Médine. Donc, faut pas se tromper ici. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent la première mosquée qui a été construite. C'est laquelle, la première mosquée qui a été construite? Abadan. C'est pas ça. Abadan. Abadan. Azou Qiblatay. C'est quoi la première mosquée? Vous savez même pas c'est quoi la première mosquée qui a été construite? C'est la Mecque, c'est clair. Mais c'est pour ça, attention, il faut préciser. Je parle de la première mosquée construite après la prophétie. D'accord, là déjà on recadre mieux le sujet. Après la prophétie, c'est quelle mosquée maintenant? Quba. Beaucoup croient que c'est pas Médine, c'est Quba. La première mosquée qui a été construite ici, c'était Quba, c'est pas Médine Quba. Ceux qui ont déjà été à l'Umra ou al-Hajj, vous avez vu, c'est cool à Médine. Mais ce n'est pas à Médine. D'accord? Faut bien comprendre ça pour comprendre ce qui va venir. Donc le prophète, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari. dans Sahih al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wa salam, il rapporte, ou il est rapporté plutôt, que tous les jours, les Médinois attendaient avec impatience la venue de la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Muhammad alayhi salatu wa salam. Tous les jours, ils attendaient. Ils étaient, très fiers d'attendre et d'accueillir le prophète alayhi salatu wa salam. Tous les jours, il est rapporté que, dès le matin, ils allaient et ils scrutaient l'horizon pour attendre la venue du prophète alayhi salatu wa salam. Tous les jours. Jusqu'à ce que quoi? La chaleur s'intensifie. La chaleur s'intensifie, et vous savez que la chaleur en Arabie Saoudite, depuis l'époque jusqu'à au jour d'aujourd'hui, surtout en été, elle est très très très très très dure à supporter. C'est une chaleur, c'est des 45-50 degrés qu'il y a en été en Arabie Saoudite, c'est clair. Déjà en hiver, pour ceux qui ont été, vous savez, ça monte 30-35 degrés quelquefois. Il fait toujours chaud. Et donc ici, ils restaient attendre le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il fasse très très chaud, et ensuite ils regagnaient leur demeure. Et ceci tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour, c'est un juif, qui est sorti pour une affaire, qui s'éloignait, entre guillemets, du centre de Médine, donc qui s'écartait un peu, et ensuite qui est parti, scruter l'horizon, et qui a aperçu la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, et d'Abu Bakr et ceux qui l'accompagnaient. Et donc ce juif-là a commencé à crier, et il disait, est venu votre grand-père. « Oh, vous les Arabes, ya ma'shar al-Arab, oh, vous les Arabes, votre grand-père est arrivé. » Et les savants ont dit, quand ils disaient « votre grand-père », cela signifiait celui aussi, ou celui qui est venu avec la vérité. Celui ici qui a été la cause de votre réussite. Celui ici qui est votre gloire. D'accord, c'était pour glorifier et rappeler que celui qu'ils attendaient avec impatience était arrivé. « Votre grand-père est arrivé, votre grand-père est arrivé. » Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam était tout. Il n'était pas encore à Médine. Il était à Quba. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parties accompagner, ou plutôt accueillir le prophète alayhi salatu wassalam, et qui ont commencé à entourer le prophète alayhi salatu wassalam avec Abu Bakr radiallahu anhu arda, et qu'ils étaient en train tous, ils s'exclamaient tous, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ja'a Muhammad, Ja'a Muhammad, le prophète Muhammad est venu, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est venu, les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde est sorti pour accueillir le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète n'était pas à Médine encore. Attention, il était à Quba. Il était à Quba. Certaines personnes pensent qu'il était à Médine. Il était à Quba. Et le prophète s'est arrêté à Quba avant d'aller à Médine. Donc il s'est arrêté, comme il est rapporté par le Bukhari. Il s'est arrêté à Quba. Et là, quand il s'est arrêté à Quba, ici, alors que tout le monde lui a montré son amour, l'amour qu'ils avaient pour le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète s'est arrêté à Quba et a décidé de rester quelques jours à Quba. Et voilà que Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda raconte, il dit, je me souviens, j'étais encore petit, alors que je me souviens encore de la joie de toutes les personnes qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont tous exprimé une forte joie, les femmes, les enfants, les jeunes, autour du prophète alayhi salatu wassalam, et tous s'exclamaient, et tous étaient heureux de voir le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous, nous on rêverait de le voir en rêve. Imaginez-vous, vous le voyez en réalité, en live. Tu as le prophète alayhi salatu wassalam en face de toi. Imagine-toi ici l'état de ces personnes, des ansar et des muhajirun qui attendaient le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il était ou qu'est-ce qu'il en était de lui, alors qu'ils l'attendaient depuis des jours et des jours. Il est parti de la Mecque à Médine. Allez voir le comportement de ceux, et je parle pour moi le premier, allez voir le comportement de ceux qui voyagent au pèlerinage. Quand ils partent dans des bus climatisés de la Mecque à Médine, comment il est leur comportement? Qui a été à la Mecque là? Comment il est leur comportement? C'est quoi? On dirait Msakin qui vont voyager à d'autres chameaux de la Mecque à Médine pendant 50 heures. Tout le monde, la quasi-totalité des gens, s'il vous plaît, quand ils attendent le bus, wallahi al-adim, la majorité des gens, je veux pas dénigrer les gens, les frères, ils ont vu, la majorité des gens se plaignent. Du début, la plupart des gens, ou alors à partir de la première escale, avant, parce qu'en général il y a des escales pour arriver à la Mecque, et à Né ou à Médine, ça dépend où vous descendez, la première des épreuves, qui est une petite épreuve minuscule, juste on fait une escale, dans un aéroport en Turquie ou je ne sais où, pour attendre un autre avion. C'est quoi un avion, les voyages? Avion, car, taxi, le luxe. et vous voyez la majorité. J'ai été plusieurs fois, c'est pas pour me glorifier ou quoi que ce soit, et wallah il a dit, on ne sait pas, même si on a fait 100 fois le hajj, si un hajj est accepté. Mais la plupart des fois, ou toutes les fois où j'ai fait le hajj, vous voyez les comportements des gens quand ils se plaignent, une honte et une catastrophe. La majorité des gens se plaignent. À peine il est même pas encore arrivé à Mecca, et tout le monde. Mais pourquoi on attend? Mais c'est dur, c'est quoi cette agence? Dès que je rentre, je me plains. Dès que je rentre, je porte plainte. Mon argent, ça fait 5 heures qu'on attend. Et comme ça, toute la journée. Quand t'arrives à la Mecque, encore le quart, faut attendre le quart, après 5 heures de quart, tout le monde se plaint, tout le monde. Prophète alayhi salatu wassalam, il a fait l'égir, il a fait cette égir, cette émigration de la Mecque à Médine, comment? Dans le désert, ayyou al-ahbab, dans le désert, et en plus de ça, rajoute quoi? Rajoute le fait qu'il y a des gens qui sont derrière lui et qui veulent le tuer. Et pendant des jours et des jours comme ça. Est-ce qu'on a entendu des plaintes? Quant au comportement des compagnons à leur époque, quand ils voyageaient de la Mecque à Médine, de Médine à la Mecque, etc. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint, et ça, c'est une catastrophe. Le prophète alayhi salatu wassalam a voyagé à d'autres chameaux avec cette crainte, etc. Et alors que le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé, tout le monde était heureux, comme dit Anas ibn Malik. Et Anas lui-même, dans un hadith rapporté par Muslim, il rappelle c'est quoi le vrai amour. C'est à quelle heure, les chats? C'est à 32. Il rappelle c'est quoi le vrai amour dans le hadith rapporté par Muslim. Et qu'est-ce qu'il dit, le hadith connu? Le même Anas qui dit, moi j'ai accueilli le prophète, j'étais là, j'étais petit quand les gens ont accueilli le prophète alayhi salam, donc ils l'aimaient. Ils aimaient le prophète. Ils aimaient, c'est clair, ils aimaient tous le prophète alayhi salatu wassalam. Radiyallahu anhum wa ardahum. Lakin d'un amour sincère, véridique. C'est un amour sincère. Parce que le fait de dire j'aime le prophète alayhi salam, c'est pas simplement j'aime le prophète alayhi salam. Tout le monde va te dire j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. Un amour véridique. Ils ont sacrifié, on a dit quoi? Sacrifier leur temps. Ils ont sacrifié quoi? L'amour de leurs enfants, l'amour de leur épouse, l'amour de leurs biens. Ils ont sacrifié tout pour aller à Médine. Pourquoi? Par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont montré leur vrai amour au prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont soutenu le prophète alayhi salatu wa salam. Et quand ils sont sortis pour accueillir le prophète alayhi salatu wa salam, ils sont tous sortis avec leurs armes. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ils sont sortis avec leurs armes pour rappeler au prophète alayhi salatu wa salam, on est là, on t'accueille, on est avec nos armes pour te rappeler qu'on te soutiendra dans toute situation. On est avec toi, ya Rasulallah. Donc, ils ont montré vraiment leur amour au prophète alayhi salatu wa salam, et on voit cet amour véridique tout au long de leurs histoires. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et Anas, il rappelle c'est quoi le vrai amour du prophète alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ أَوْ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَوْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ وَمِنْ أَهْلِهِ وَمِنْ نَاسِ أَجْمَعِينَ. Ça, c'est le vrai amour. Personne d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsque je serai plus aimé à lui, ou lorsqu'il m'aimera plus que ses biens, plus que son argent, plus que ses parents, ta famille, plus que quoi? Plus que toi-même, et plus que وَبِالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, l'ensemble des gens. Ça, c'est le vrai amour. Quand t'aimera le prophète alayhi salam plus que toi, plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes enfants, plus que ton épouse, plus que ton argent, plus que toi-même, plus que l'ensemble des gens, là tu peux dire j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas sentir l'iman, tu vas sentir cet amour du prophète alayhi salatu wassalam. Là, on va dire c'est un vrai amour complet du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit, sami'na wa ata'na, on a entendu, on a obéi. On va pas dire oui, mais au moins tu dis je sais, je reconnais, mais je n'arrive pas. Au moins, la moindre des choses. Mais dire non, hacha, ça ne fait pas, qu'Allah ne plaise ça, ces comportements, wal'iyadu billah. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam dit khlas. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Quand vous avez quelconque dispute, renvoyez-le à Allah et à son messager. C'est-à-dire que quoi? Toute dispute que tu as, tout conflit que tu as, toute épreuve que tu as dans la vie, comment tu le résous? Tu vas voir une personne de science et tu lui dis quel est le jugement d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, c'est ça. Et quand on te dit c'est ça, selon le Coran et la Sunna, tu te tais, ton nefs, tu l'écrases et yani, tu continues ta route. Ça, c'est l'amour du prophète alayhi salatu wassalam complet. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجٍ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Par Allah, ou par ton Seigneur, Allah il jure, il n'a pas besoin de jurer pour montrer l'importance de la chose. Non, par ton Seigneur, ils ne seront véritables croyants que lorsqu'ils lorsqu'ils t'auront pris pour juge quant à leurs différends, leurs disputes, etc., et qu'ils n'auront trouvé aucune gêne quant à ta sentence et ils se seront soumis. Regardez, ça c'est la vraie croyance, ça c'est le vrai amour envers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ils se sont, ici, ils se sont hâtés pour accueillir le prophète, alayhi salatu wassalam. Que ça soit à Quba ou que ça soit à Médine, parce que le prophète est resté. Certains disent 4 jours, certains disent 14 jours. Ala kulli hal, nous on dit, comme on n'a pas de texte vraiment authentique et clair, wallahu a'lam, comme disent certains savants, on dit il est resté une période courte, très courte, hein. Donc environ une semaine. Environ une semaine. 4, 14 jours et une divergence. Ala kulli hal, il est resté une petite période à Quba. Et il a construit la première mosquée ici, après la prophétie qui est Mesjid Quba, qui est actuellement yani accessible à tous. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, comme dans un, il est relaté dans un hadith rapporté par Ibn Majah et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala et d'autres, il dit, toute personne qui complète ou parfait ses ablutions, tu fais bien tes ablutions, chez toi, ou bien à l'hôtel, ou je ne sais où, quand tu es, yani là-bas, mais qui fait bien ses ablutions, ensuite qui se dirige vers Masjid Quba, pour faire deux rak'at, pour faire une prière, tu te diriges dans la mosquée, tu fais une prière, c'est quoi la récompense? Une umra complète. Tu as la récompense de faire une umra complète. La récompense, ça ne veut pas dire que ça te décharge le fait ou du fait de faire l'umra. Non, quand on dit récompense, ça c'est un bonus, c'est en plus. Mais ça ne te décharge pas, tu dois quand même faire l'umra, tu dois quand même faire la pèlerinage. Lakin, c'est la récompense d'une umra complète. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui, dans un hadith dont je fais par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, celui qui sort de chez lui. Celui qui sort de chez lui. Ici, en venant à la mosquée, pour... ou yani sans avoir autre raison que quoi? Qu'acquérir, bien sûr, prier et acquérir la science. Transmettre ou apprendre une science religieuse. Et qui rentre chez lui, il a quoi comme récompense? Récompense d'un hajj. Autant tu fais par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, hadith en sahih. La récompense d'un hajj, un hajj. Combien de gens laissent cette récompense? Ou c'est des ulama, c'est des savants. Ou c'est des gens orgueilleux. Ou c'est des gens malades. D'accord? Quelqu'un va me dire, non, peut-être c'est des gens paresseux. C'est un malade. Paresse, c'est une maladie. Allahumma inni a'ouzu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajizi wal-kasal. Le prophète alayhi salam, il demandait protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contre quoi? Parmi les choses sur lesquelles il demandait protection, il disait quoi? Contre la paresse. Contre la paresse et l'incapacité. Al-ajizi, l'incapacité, wal-kasal, la paresse. Voilà, trois cas. Un hajj, tu le laisses, récompense d'un hajj. C'est énorme. Un hajj, t'as la récompense. Ça veut pas dire que t'as pas besoin de faire le hajj. Lakin, ça te donne ce bonus-là. T'as la récompense d'un hajj, facilement. T'as pas les moyens d'aller le hajj. Viens, assis-toi, prends le hajj. Viens, assis-toi, assiste et sors avec une bonne intention de chez toi, tu prends l'ajab de le hajj. D'accord? Donc, on voit que t'as la récompense d'une umrah complète. Celui qui prie dans la mosquée de Quba, et vous allez voir maintenant, à la mosquée de Quba, wallahi al-adim, c'est une mosquée qui est restée, on va pas dire à 100%, mais très simple. Ceux que les frères qui ont été voir, vous avez vu, c'est une mosquée qui est restée très, très, très modeste et très simple, subhanallah. Et tu sens encore, yani, façon de parler, hein, tu sens encore cette ambiance, yani, la présence, yani, cette ambiance, plutôt pour pas qu'on rentre un peu dans la philosophie, yani, cette ambiance des compagnons du prophète, alayhi salam, parce que c'est un endroit très simple, la mosquée de Masjid Quba. Et on voit que le prophète, alayhi salam, il a commencé par quoi? Bon, maintenant, j'ai fait une longue route. J'ai eu pendant des années, beaucoup de perturbations, des problèmes, des soucis, des tristesses, etc. Maintenant, c'est les vacances. Hein? Je parle pour moi le premier. Dès qu'on fait une petite année, tout le monde dit, oh, maintenant, faut prendre des vacances, je souffle, etc. Oh, j'ai travaillé toute l'année, maintenant, j'arrête. Les vacances, il y a le droit de se reposer ou pas? Il y a le droit de se reposer. Quelqu'un va me dire, oh, on est une secte, nous, quoi. Celui qui veut prendre des vacances, bien sûr, ça fait du bien de se reposer. Mais c'est quoi les vacances chez les musulmans? On met le Coran de côté, on met la Sunna de côté, on met le Dîn de côté, et on s'allonge, et on va, parce qu'il fait beau, on a droit d'aller dans le haram et faire le haram. Abadan. Repose-toi, mais garde. Al-Afkar, al-Sabah, al-Masa, al-Qira'at, al-Quran, l'arrestation du Coran, tes prières à la mosquée, al-Dhikr, al-Da'wat, il-Allah. Mais à côté, souffle, va, change de ville, change d'endroit, repose-toi. Il n'y a pas de souci. Lakin, les vacances, ça existe en islam. Mais nous, on a la définition des vacances au point de vue islamique, ça c'est clair. Le prophète alayhi salatu wasalam, avec tout ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait? Continuer de da'wa. Première chose qu'il a fait, il n'a pas regardé son intérêt. L'intérêt de la communauté, il a construit une mosquée. Il a construit quoi? Il a construit, il a édifié la première mosquée après la prophétie, Masjid Quba, cette mosquée-là. Et les gens se sont disputés pour, alaykoum salam, ou pas disputés, mais tout le monde voulait s'empresser, à Quba ou à Médine, parce qu'après le prophète est parti à Médine. Et là, les gens l'ont encore accueilli. Et beaucoup de gens voulaient accueillir le prophète alayhi salatu wasalam. Vous imaginez quel honneur? Le prophète vient dormir chez toi. Qui n'aimerait pas que le prophète alayhi salat wa salam vienne chez lui? Il lève sa main. Qui n'aimerait pas? Tout le monde aimerait bien. D'accord, on dit stop. Vous restez dans la situation là. On imaginerait que le prophète est là maintenant. Tout le monde dirait oui. Allez, on prend n'importe quelle personne au hasard. On dit, bon, toi, le prophète, il vient avec toi, mais maintenant chez toi, tu prépares rien. Tu vas chez toi. Qui est prêt à accueillir le prophète alayhi salat wa salam chez lui? Qui aurait honte d'accueillir le prophète alayhi salat wa salam chez lui maintenant? Et le prophète, il fouille un peu partout chez toi. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? T'as la télé? Quelle chaîne de télé tu as? Mais tu gardes tes mêmes habitudes, hein. C'est-à-dire que tu rentres, tu t'allonges, TF1, les informations, tu gardes les mêmes habitudes. Le prophète, il vient chez toi. Qui pourrait le faire? On est loin du vrai amour du prophète, alayhi salatu wassalam, et du vrai suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Wallah, on dirait, attends juste une demi-heure. Tu vas rentrer chez toi, mashallah. Tu vas tout vider, tu sauras même pas quoi en faire, tu vas tout jeter à la poubelle. Tu vas tout laisser simple, tu vas dire, bon ben là, il va rien trouver de, hein, un peu louche, bon c'est bon, khlas. Tellement qu'on aurait honte. Il allume la télé, tu gardes toutes tes habitudes, tu pourrais pas. Même la nourriture, t'aurais honte. Je veux dire, comment ça? Il va voir que je vais manger, mashallah, 3 kebabs ou là, un gros douaze avec le ham, avec du coca. T'aurais honte de manger devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand tu lis tous les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Juste tes habitudes, pourtant, on va dire, c'est pas haram de manger. C'est pas haram, y a pas de souci. Mais si le prophète voyait vraiment tes habitudes, wallah, personne n'oserait. En se remettant en question, on va dire, wallah, j'ose pas, j'aurais trop honte. Donc ici, à nous de se reposer la question, est-ce qu'on a vraiment cet amour haqiqi, réel, sincère du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, wallahu ta'ala alim wa hakim, wa sallallahu wa sallam wa zubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.